Que faire en Algérie? Fournir les vivres de la guerre, grains et fourrages. J'ai votre commission signée. Vous trouverez vos fournitures dans le pays à 70% au-dessous des prix auxquels nous vous en tiendrons compte. Qui me les livrera? Les razzias, l'achour, les califats. Il y a dans l'Algérie, pays encore peu connu, quoique nous y soyons depuis 8 ans, énormément de grains et de fourrages. Or, quand ces denrées appartiennent aux Arabes, nous les leur prenons sous une foule de prétextes. Puis, quand elles sont à nous, les Arabes s'efforcent de les reprendre. On combat beaucoup pour le grain, mais on ne sait jamais au juste les quantités qu'on a volées de part et d'autre. On n'a pas le temps, en rase campagne, de compter les blés par hectolitre comme à la halle, et les foins comme à la rue d'enfer. Les chefs arabes, aussi bien que nos spahis, préférant l'argent, vendent alors ces denrées à de très bas prix. L'administration de la guerre, elle, a des besoins fixes. Elle passe des marchés à des prix exorbitants, calculés sur la difficulté de se procurer des vivres, sur les dangers que courent les transports. Voilà l'Algérie au point de vue vivrier. C'est un gâchis tempéré par la bouteille à l'encre de toute administration naissante. Nous ne pouvons pas y voir clair avant une dizaine d'années, nous autres administrateurs, mais les particuliers ont de bons yeux. Donc, je vous envoie y faire votre fortune. Je vous y mets, comme Napoléon mettait un maréchal pauvre à la tête d'un royaume où l'on pouvait protéger secrètement la contrebande. Je suis ruiné, mon cher Fischer. Il me faut 100 000 francs dans un an d'ici. Je ne vois pas de mal à les prendre aux Bédouins, répliqua tranquillement l'Alsacien. Cela se faisait ainsi sous l'Empire.